Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Pour l'émission, la parole est à vous. Et puis, bien sûr, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, en espérant que, bien sûr, l'année 2020, qui débute assez mal au point de vue social, au point de vue international, soit quand même que les jours qui viennent nous rassurent un petit peu sur notre avenir et sur ces débuts d'année 2020. Voilà, alors aujourd'hui, un magazine consommateur, le premier de l'année, bien entendu. Et puis ce magazine consommateur, bien sûr, qui va être consacré à que choisir en particulier, puisque c'est dans ce mensuel de l'Union des consommateurs, donc l'UFC, que je prends la plupart de mes renseignements. Voilà, et des nouvelles que je diffuse au micro de Radio Gémozo. Alors, je voudrais commencer par le billet d'Alain Bazo, qui est président de l'UFC Que Choisir, qui reparle du dioxyde de titane. Alors, il s'interroge, le marché prime-t-il sur la santé ? Décidément, dit-il, l'interdiction du dioxyde de titane dans les produits alimentaires au 1er janvier 2020 fait l'objet de nombreux revirements. Elle a été actée dans la loi alimentation en 2018, puis le gouvernement l'a remise en cause début 2019. Avant de faire volte-face à la suite de la mobilisation d'ONG, dans l'UFC Que Choisir, et aujourd'hui la Commission européenne pourrait revenir sur cette interdiction prévue par arrêté, estimant que les données scientifiques sur les risques sont insuffisantes. Des voix s'élèvent en effet pour annuler la mesure française. L'incertitude bénéficierait à l'industrie, pas aux consommateurs. Mais que devient le principe de précaution ? Nous pourrions donc continuer d'être exposés à cet additif contenu dans les aliments, alors qu'il est jugé cancérogène possible pour l'homme, par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. Sans parler des cosmétiques et des médicaments où il est présent et est donc ingéré pareillement. Qu'est-ce qui doit primer ? S'interroge Alain Bazo. Le marché unique ? Fut-il morbide ou la santé ? La santé des Européens, bien entendu, et l'écologie. Et dire que la Commission avait promis une nouvelle donne pour les consommateurs et l'environnement. L'arrêté français doit être maintenu et même élargi aux cosmétiques et aux médicaments. En sachant bien que, de toute façon, le dioxyde de titane, il n'apporte, ce n'est qu'un colorant rouge, ce n'est rien d'autre. Donc, moi, j'invite les consommateurs à fuir, à regarder un petit peu les étiquettes et puis à boycotter, bien sûr, ce produit s'il existe encore. Je vois un supermarché où je suis client qui disent plus de toxines de dioxyde de titane, et puis on regarde certains produits, qui en contiennent, malgré tout. Voilà, au début de l'année, sur le mois de janvier, sur ce billet d'humeur d'Alain Bazo. Les lobbies sont-ils plus puissants que les consommateurs ? C'est la question qui doit être posée. Et les consommateurs ont quand même une arme, c'est d'essayer de boycotter, bien sûr, tous les produits qui contiennent du dioxyde de titane et pourquoi pas les magasins qui les vendent. Voilà. Des actions nationales. De Que Choisir parle du Nutri-Score. C'est l'un des thèmes favoris de Que Choisir. Alors, Nutri-Score s'étend dans l'Union européenne. Initiative citoyenne que nous avons lancée en ligne en mai 2019, avec 6 autres associations de consommateurs européennes, fait réagir. Son but, imposer le Nutri-Score sur les produits alimentaires dans les pays de l'Union. Grâce à votre mobilisation, dit Que Choisir, le quota français de signature a été atteint et dépassé, malgré l'obligation de renseigner votre numéro de carte d'identité ou de passeport pour valider votre soutien. Plus de 40 ONG et sociétés savantes françaises nous ont également rejoints, ainsi que plus de 200 personnalités du monde scientifique. Ces engagements et les études qui se multiplient quant à la pertinence du Nutri-Score influencent les pouvoirs publics. Après la France, la Belgique et le Portugal, ce sont l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas qui l'ont adopté comme modèle officiel. Tandis que le Luxembourg réfléchit, interrogé sur l'opportunité d'un modèle unique à l'échelon européen. La candidate au poste de commissaire à la santé s'est déclarée favorable, sans toutefois préciser le système qu'elle entendait privilégier. Un rapport doit être rendu par la Commission européenne sur ce sujet. En attendant, continuons de nous mobiliser pour rendre obligatoire le Nutri-Score partout dans l'Union en signant la pétition sur pronutiscore.org et pronutriscore. C'est toujours un peu compliqué, mais pour retrouver sur le site de Que Choisir, bien sûr, cette pétition. Voilà, que dire par rapport à ça ? Bien que, effectivement, on pourrait avoir quand même une information, s'adopter une information quand même fiable sur la nature des produits que l'on consomme. Voilà. Alors, Que Choisir relance son choisirsonfuel.fr, le plan d'économie pour 2020. C'est organisé par l'UFC Que Choisir via sa filiale. La pérennisation et la mensualisation des achats groupés de fuel ont porté leurs fruits. En 2019, 50 000 inscriptions ont été enregistrées et plus de 10 000 commandes ont été passées sur quechoisirfuel.fr. Cela a permis aux souscripteurs, des ménages qui n'ont pas toujours le choix de leur énergie, de réaliser en moyenne 55 euros d'économie par commande. La campagne est reconduite en 2020 avec un achat groupé les premiers vendredis de chaque mois pour que l'ensemble des foyers intéressés puissent en bénéficier, quelle que soit d'ailleurs la période de remplissage des cuves. Comme pour toutes les campagnes de Que Choisir, d'achat groupé, l'inscription est gratuite et sans engagement. En cas de commande, une participation aux frais d'organisation de 5 euros est demandée. Renseignements, inscription sur Que Choisir. Alors, c'est d'un seul mot, choisirsonfuel.fr ou au 09 75 18 02 38. Voilà, on sait très bien qu'il y a pas mal de foyers vosgiens, puis en particulier dans notre secteur, qui se chauffent au fioul, et c'est peut-être le moment, justement, de voir pour des achats groupés, et puis au meilleur prix possible, parce que le fioul risque encore d'augmenter, étant entendu la situation dans le Golfe aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a un observatoire de panne, l'obsolescence organisée. C'est pour agir contre les cas d'obsolescence organisée, voire programmée des produits, que l'UFC Que Choisir a lancé son observatoire des pannes dans le cadre d'un projet financé par la Commission européenne. Cet outil en ligne permet d'indiquer simplement et rapidement quels équipements électriques et électroniques sont devenus trop vite inutilisables, et de bénéficier, si besoin, de lettres type pour faire valoir ses droits. De notre côté, dis-je Que Choisir, nous analyserons les signalements pour identifier les cas d'obsolescence et s'ils sont avérés, faire pression sur les fabricants, orchestrer du lobbying auprès des autorités et mener des actions judiciaires. Ainsi, nous vous aidons, toujours selon Que Choisir, individuellement et agissant collectivement, alors que la durée de vie des appareils est un sujet de préoccupation grandissant compte tenu de ses impacts économiques et environnementaux. Cet observatoire veut faire toute la lumière sur les abus des constructeurs, un exemple qui souligne la pertinence de notre combat. Après l'alerte sur la fréquence et la rapidité des pannes de la Nintendo Switch, je ne sais pas trop comment prononcer, c'est Nintendo, une console. Pas moins de 7500 témoignages se sont accumulés en quelques jours. Continuons, programme Que Choisir, a imposé une conception éco-responsable des produits en signalant les modèles défectueux sur quechoisir.org/panne. Voilà. Voilà encore une campagne de Que Choisir que les consommateurs auront à cœur de relayer, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même préoccupant ce problème d'obsolescence organisée. Hein. On installe souvent dans des appareils une puce qui permet de faire tomber en panne des appareils au bout d'un certain temps. Voilà, donc c'est bien une obsolescence qui est organisée et non pas une obsolescence qui arrive là à cause du vieillissement des produits. Alors, TVA sur les taxes. Alors ça aussi, c'est un des sujets favoris de Que Choisir, qui dit stop à la double peine fiscale. On a déjà plus de 135 000 personnes à soutenir notre combat contre la double peine fiscale que constitue la TVA sur les taxes, particulièrement dans le domaine de l'énergie, mais également de l'eau. Faut-il rappeler que l'énergie est une dépense contrainte et que si le signal prix peut être un outil de maîtrise et de réduction de la consommation, la transition énergétique ne peut pas s'effectuer du jour au lendemain et qu'elle n'est pas non plus accessible à toutes les bourses ni sur tout le territoire. En outre, alors que la fiscalité environnementale existe déjà et que l'on ignore toujours si elle est réellement affectée à la transition écologique, la TVA sur les taxes, 60 euros sur la facture d'électricité, est une aberration aussi coûteuse qu'injuste. Notre appel, dit Que Choisir, à la suppression de cette double peine fiscale a été entendu par plusieurs parlementaires qui ont déposé des amendements de suppression au projet de loi de finances pour 2020. Malheureusement, aucun n'a été adopté jusqu'ici. Comme le sujet est également européen, l'UFC Que Choisir entend rallier ses homologues des pays membres de l'Union pour que le sujet soit aussi repris dans le cadre de la directive 2003/96/CE sur les taxes énergétiques. Voilà, ben, ça c'est vrai que c'est complètement injuste. Ça pénalise bien sûr les ménages. Ça remplit peut-être les caisses de l'État, mais que dire par rapport à une transition énergétique, que la plupart du temps, on ignore complètement ce que deviennent ces taxes qui alimentent le budget de l'État, et très peu d'ailleurs, la possibilité de changer, changer nos modes de consommation globalement. Voilà. En bref, assurance, encadrer les démarchages. Alors voilà, ça aussi c'est un article de Que Choisir. Notre mobilisation commence à payer. Dans un avis du comité consultatif du secteur financier, les professionnels de l'assurance se sont engagés à exiger un consentement écrit et univoque des consommateurs lors d'une souscription et à faciliter les modalités de résiliation de contrats signés après démarchage. Cet avis entend couper court au harcèlement marketing vécu par les clients et surtout au litige en découlant. Ces engagements vérifiés par le CCSF doivent permettre à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, de mieux remplir ses missions de surveillance et de sanction en attendant, comme le souhaite l'UFC Que Choisir, qu'il soit sacralisé dans la loi. Ben voilà, oui, parce que là encore, on connaît le harcèlement téléphonique hein, sur l'isolation en euros. On a vécu ça et on continue à vivre du harcèlement téléphonique quand ce n'est pas une compagnie d'assurance, une complémentaire santé, etc. etc. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à ça. Il est temps, grand temps que ça cesse, hein, parce que je crois que nos lignes fixes sont complètement envahies, même quelquefois nos portables sont complètement envahis par de la publicité, par du démarchage téléphonique qui devient de plus en plus lourd. Voilà, alors, on parle de consommation responsable, toujours dans Que Choisir, distribution de fruits et légumes. Connaissez-vous le principe d'une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, AMAP ? Pour le découvrir, Vous pouvez faire un tour le jeudi dans les locaux de l'UFC Que Choisir, dans la Haute-Vienne à Limoges. Elle a signé un partenariat avec les Jardins de Cocagne, en Limousin, structure de réinsertion par l'exploitation maraîchère, qui fournit des paniers de fruits et légumes à ses adhérents. L'association locale est désormais l'un de ses points de collecte pour une durée d'un an tacitement reconductible. Elle distribue une dizaine de corbeilles par semaine. Les consommateurs qui viennent chercher leurs produits sont sensibles à un fonctionnement associatif. Nous nouons, dit Que Choisir, des contacts avec eux. C'est une bonne chose d'un point de vue éthique. Et pour notre notoriété, se réjouit François Devulder, le président de l'association locale Que Choisir, de l'UFC. Quand solidarité rime avec consommation responsable, que demander de plus ? Voilà, c'est un communiqué de l'UFC Que Choisir de la Haute-Vienne. Mais il est évident aussi qu'au niveau associatif, dans les Vosges, on a les Jardins de Cocagne, bien sûr, qu'il faut connaître, mais c'est un peu hors de notre secteur. Et puis il y a la MAP de Thiéfos en particulier, qui a une très bonne réputation, avec pas loin d'une centaine d'adhérents, en gros. Et puis il y a des AMAP qui se sont développées, un peu partout. C'est du soutien à l'agriculture paysanne. Et la plupart sont, bien sûr, en agriculture bio, ce qui permet quand même de garantir des produits sains, sans pesticides. Voilà, que dire encore ? Que Choisir lance un appel aussi par rapport aux écoles de commerce. L'automne dernier, 40 étudiants en dernières années de master pour management à l'école de commerce toulousaine se sont penchés sur l'UFC Que Choisir avec le concours de l'association locale de Toulouse. Publication, fonctionnement de la fédération, examen des publics. Toutes nos activités, dit Que Choisir, ont été passées en revue. Deux semaines durant, les élèves sont venus dans nos locaux rencontrer les bénévoles, les juristes, les administrateurs. Ils se sont montrés très investis et surpris par l'ensemble de nos actions. C'est ce que raconte Sylvie Pradel, présidente de l'association locale. Ils ont ensuite établi un état des lieux et évoqué des pistes de travail pour l'UFC Que Choisir, renforcer la notoriété des associations locales, promouvoir le bénévolat, attirer les jeunes générations, à commencer par eux-mêmes. Un aspect n'a pas manqué de souligner Sylvie Pradel, je cite ses propos, « Une telle collaboration nous apporte de la visibilité auprès des plus jeunes et fait souffler un vent neuf sur nos structures. On a décidé de rester en contact et d'étudier quels nouveaux projets mener conjointement. » Or, bien sûr, parce que les écoles de commerce ont été souvent le support plutôt des lobbies, des grandes entreprises, que bien sûr, de la consommation responsable, alternative et responsable. Voilà, que dire encore ? On va peut-être parler, mais on va s'accorder d'abord une pause musicale, bien sûr, on va peut-être parler de l'obsolescence, justement, par rapport aux labels expérimentaux, le fait que la réparabilité des produits. Mais on va parler aussi de l'isolation en euros, qui est un désastre et aucune sanction. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Voilà, nous avons plaisir toujours à retrouver Jacques Brel. Voilà, avec cette chanson qui est très poétique. Alors, j'avais promis de parler de l'isolation en Europe, puisque s'agissant de la réparabilité de nos appareils, je crois que là, il y a un dossier, c'est le dossier du mois de Que Choisir, qu'il faut consulter. Hein. Je ferai quelques commentaires par rapport à ce dossier, hein, à savoir quand même qu'il y a des marques qui ont pris quand même de bonnes résolutions sur la réparabilité, et puis d'autres où c'est encore très difficile, voire catastrophique. Alors, parlons de l'isolation en euros. Alors, d'après Que Choisir, c'est un désastre et aucune sanction. Isoler le plafond du garage pour améliorer le confort de la chambre et de la salle de bain située juste au-dessus, Jean-Michel Garcia y pensait depuis un moment. Alors, avec l'arrivée de l'isolation en euros, il se décide. Motivé, il fait des recherches sur Internet, tombe sur le site Énergie Solidaire, une société privée spécialisée dans ces offres, qui apparaît aussi sous les noms d'AFDES, pour Agence Française de l'Énergie Solidaire, de Groupe Énergie Solidaire et de Sterem. Il indique ses coordonnées et son niveau de revenu, puis apprend qu'il est éligible. Il fournit donc les documents demandés, pièces d'identité et avis d'imposition. Quelques jours plus tard, Rénov' France le contacte. Jean-Michel effectue les vérifications qui s'imposent. L'entreprise à laquelle l'AFDES a sous-traité les travaux détient la mention reconnue garant de l'environnement, RGE, obligatoire et décernée par Calibat. En plus, elle est partenaire Solution Habitat 2019 d'EDF. Tout va bien. Il lui fait donc confiance. Le téléphone sonne un matin. On lui annonce une intervention en début d'après-midi. Jean-Michel s'arrange pour être présent. Une vieille camionnette, sans aucun logo de société, se gare devant chez lui vers 14 heures. Deux hommes en descendent. Leur tenue permet pas non plus d'identifier leur employeur. Il les fait entrer dans son garage et découvre qu'il parle à peine français. Il finit par comprendre qu'ils viennent de Moldavie. Deux heures plus tard, ils ont terminé. Ils remballent tout et lui font signer la facture, même s'ils ne versent que 1 euro. Jean-Michel se dit que les 1656 euros que Rénov France va toucher, c'est rudement bien payé pour une isolation réalisée en 2 heures chrono. Il pénètre dans son garage et là, c'est le choc. Certaines plaques ne sont pas jointes et d'autres pas fixées. Il manque aussi du polystyrène à de nombreux endroits. Bref, c'est un ratage complet. Furieux, il prend tout de même le temps de la réflexion. Après tout, ses travaux lui ont coûté que 1 euro. Est-il en droit de se plaindre? Mais l'indignation l'emporte. Qu'une société empoche au total 1656 euros pour une intervention bâclée, il ne l'admet pas. Jean-Michel Garcia adresse une réclamation par e-mail en y joignant des photos. Mais il ne reçoit aucune réponse écrite. Un matin, cependant, il reçoit un appel. Son interlocuteur lui explique qu'il est dans sa commune et qu'il peut refaire immédiatement les travaux d'isolation de son garage. Le propriétaire refuse, éberlué par la méthode, parce qu'il n'est pas disponible ce jour-là. Avant de raccrocher, il exige qu'on le prévienne assez tôt et qu'on lui envoie du personnel qualifié, sachant travailler. Depuis, il n'a plus jamais entendu parler de Rénov France ni de l'AFDES. Les clichés pris par Jean-Michel, nous les avions vus avant de le rencontrer. Mais la surprise fut totale. Lorsque nous nous sommes rendus sur place, nous n'avions pas imaginé le plafond dans un tel état, avec des trous béants, sans isolant, et des plaques non ajustées. Les employés moldaves envoyés chez Jean-Michel n'avaient assurément aucune compétence en matière d'isolation. Un bricolo du dimanche aurait fait mieux. Néanmoins, pour la société Rénov France, c'est le jackpot. À raison d'une isolation le matin et d'une autre l'après-midi au minimum, deux ouvriers réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 3 000 euros par jour. C'est la magie noire des offres d'isolation en euros. Elles permettent à des professionnels d'engranger des fortunes sans travailler correctement. Nous avons contacté cette entreprise qui déclare ne pas connaître ce client. De son côté, l'AFDES confirme lui avoir confié le chantier, mais dit n'avoir aucune trace de la réclamation de Jean-Michel. Rien de très rassurant. Pourtant, sur le plan réglementaire, tout est nickel. Le propriétaire a reçu une attestation de contribution au certificat d'économie d'énergie en tête de Total Direct. Total Direct Énergie, fournisseur d'électricité et de gaz qui a mandaté l'AFDES pour prendre en charge l'isolation en euros de son garage. La facture de cette société remise à la fin de l'intervention est, elle aussi, parfaitement conforme, même si c'est au prix d'un arrangement avec les faits, puisque la visite préalable obligatoire qui est mentionnée n'a jamais eu lieu. Au vu de ces documents, tant pour le pôle national des certificats d'économie d'énergie que pour le ministère de la Transition écologique, il s'agit d'une opération 100% réussie. Le gouvernement peut ainsi se féliciter du succès des offres à 1 euro, isolation comme en chauffage, même si les scandales sont nombreux sur le terrain. Le cas que nous relatons n'a en effet rien d'unique. Dans son seul rayon d'action, l'UFC Que Choisir d'Aix-en-Provence a récemment recensé 2 incendies ayant démarré dans des combles isolés en euros. Lorsque l'isolant est en contact d'un conduit de cheminée ou de spot halogène, encastré dans le plafond ou sous les toits, il atteint une température suffisante pour que le bois s'enflamme, soulignent les experts. C'est à nouveau la preuve que les entreprises RGE font intervenir des personnes qui ne sont pas du métier. Voilà, je crois qu'on a véritablement atteint des sommets de bêtises dans cette situation en euros, hein, en sachant bien que la plupart du temps, c'est du travail très rapide et très bâclé. Hein. Le principal, c'est d'avoir un profit énorme sur cette utilisation en euros qui, je le souligne, n'est pas du tout payé par l'État. Hein. C'est justement les fournisseurs, hein, les grandes surfaces en particulier, qui payent cette isolation en euros pour une efficacité qui est très douteuse. Voilà, alors que l'État aujourd'hui, enfin que le gouvernement aujourd'hui se félicite l'isolation en euros, je crois que c'est véritablement quelque chose qui ne devrait pas exister. Alors, parlons des limites du système. Le dispositif des offres d'isolation et de chauffage à 1 euro est salué comme un succès par le gouvernement, qui comptabilise le nombre d'interventions, mais dans les faits, faute de contrôle, trop de ménages sont la proie du professionnel sans scrupules. Le dispositif, les revendeurs d'énergie et de carburant doivent remplir un quota d'économie d'énergie qui s'exprime en certificats à accumuler, faute de quoi ils s'exposent à de lourdes pénalités financières. Pour y parvenir, ils versent des aides aux consommateurs qui réalisent des travaux d'isolation ou changent de chauffage, chaque intervention donnant droit à des certificats. En 2017, l'État a imposé à ses fournisseurs d'aider les ménages aux revenus modestes et très modestes. La charge d'isolation en euros, les offres d'isolation à 1 euro ont explosé. Depuis, celles de chauffage à 1 euro les ont rejointes. Les dérives. Les vendeurs d'énergie et les intermédiaires recourent à des sous-traitants. Pour certains, la tentation est grande de récupérer un maximum de certificats en multipliant les dossiers de travaux, travaux fictifs ou bâclés. À l'affût d'argent facile, les fraudeurs ont débarqué en force. Ils font des campagnes de démarchage téléphonique à grande échelle, emploient des petites mains, en général des étrangers sans qualification. C'est d'autant plus simple que l'État n'a prévu aucun contrôle des isolations en euros. Alors, les précautions à prendre. Ne donnez jamais suite à un démarchage téléphonique. Les professionnels sérieux ont mieux à faire que la chasse aux clients. Évitez de prendre contact sur Internet. Si vous laissez vos coordonnées sur un site, vous vous exposez à de mauvaises surprises. Elles peuvent être vendues au plus offrant, pas au plus honnête. Prenez rendez-vous avec un conseiller, Espace Info Énergie, proche de chez vous, pour vous informer. Exigez une visite technique préalable aux travaux, ainsi qu'un devis, même pour 1 euro. Il doit indiquer la surface à isoler, la nature de l'isolant, son épaisseur et sa résistance thermique. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à ça. Hein. Je crois que c'était une déception totale, cette isolation en euros, et ça peut même s'avérer dangereux à certains endroits. Voilà, et puis tout ça, ce qu'ouvre le gouvernement qui s'en fout, puisque pour une bonne raison, l'État ne paye pas. Hein, c'est effectivement les promoteurs, les magasins, les grandes surfaces. C'est ceux qui vendent du produit isolant qui sont mis à contribution. Ça ressemble toujours à un transfert sur des associations, sur des producteurs, etc., auquel le gouvernement participe. Hein, on le voit aujourd'hui par rapport à la santé et le... Le reste à charge zéro à partir du 1er janvier, c'est les complémentaires santé qui payent et non pas la sécurité sociale et non pas l'État. Voilà, c'est quand même quelque chose qui mérite des contrôles, qui mériterait des contrôles, qui mériterait beaucoup plus. Et puis surtout que le gouvernement ne s'avise pas de se vanter d'avoir fait quelque chose, puisque de toute façon, on assure la charge par personne interposée. Voilà, que dire encore par rapport à l'obsolescence? J'essaie de retrouver mes articles. Ah oui, par rapport aux additifs, quand même, il y a quelque chose de rassurant pour 2020. Ça s'allège un peu. Les fabricants truffent un peu moins leurs produits transformés d'additifs. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, désormais les aliments qui en sont dépourvus pèsent 22% du total. sur 5 points, c'est soit 5 points de mieux qu'il y a 10 ans. Mais près de la moitié de ceux concernés contiennent au moins 3 substances différentes. Parmi les plus mauvais élèves, les viennoiseries et desserts surgelés. Les produits traiteurs, frais, et les glaces et sorbets, trop souvent saupoudrés de plus de 10 additifs sur les plus de 300 autorisés. Tous ne sont pas utilisés. Et seuls 8 additifs sont retrouvés dans plus de 10% des aliments. Surtout des texturants employés pour leur rôle cosmétique et de praticité. Quasi omniprésents dans certaines catégories, ils ne sont pourtant pas tous inoffensifs. Ainsi, 28% des aliments infantiles de diversification contiennent des amidons modifiés, mono- et diglycérides d'acide gras. Se retrouvent dans 77% des glaces et sorbets et 25% des céréales du petit-déjeuner. Éviter les lécithines devient un sport. Elles sont présentes dans 94% des chocolats et produits chocolatés, 88% des laits infantiles et 84% des barres céréalières. Notons que les confiseries, pour la plupart, truffées d'additifs, ne sont pas prises en compte dans les rapports de l'ANSES. Et c'est dommage. Voilà, ben, que dire, ben, de toute façon, vous voyez souvent d'ailleurs des viennoiseries qui sont en promo dans votre supermarché, puis vous verrez la liste des additifs, c'est vraiment colossal. Colossal, hein, même si le dit supermarché dit avoir éliminé certains additifs qui seraient nocifs à la santé, hein, et puis qui figurent quand même. Voilà, c'est vraiment difficile de trouver des produits sains dans les grandes surfaces. Enfin, au point de vue viennoiserie, etc., glace, etc. Voilà, 78% en moyenne des aliments sont concernés, d'après Que choisir. Alors, alimentation. L'origine France signalée. Une jauge graduée va apparaître au premier semestre 2020 sur les emballages des produits laitiers, pâturage et des charcuteries. Monique Ranou, Intermarché, baptisée France Corps, ce logo indiquera le pourcentage des matières premières produites en France et sera associé à une carte localisant le lieu de fabrication, le cas échéant, les labels et autres indications dont bénéficie le produit. Cela éclaire concrètement sur la provenance géographique des ingrédients bruts utilisés ainsi que sur le lieu de leur transformation. C'est ce qu'explique l'enseigne. Par cette démarche de transparence entre guillemets, elle affirme répondre aux souhaits de consommateurs d'une origine des produits et d'un juste prix pour les producteurs. Voilà, mais on voit par exemple que choisir ça, c'est l'exemple fabriqué à Aire-sur-l'Adour, 40, avec 40% d'ingrédients français. Alors, bon, on peut quand même un peu s'étonner, quoi, parce qu'il suffit simplement de mettre une étiquette blanc-rouge sur le produit alors qu'il y a 40% d'ingrédients français. Voilà, bon, c'est pour la petite histoire, hein. C'est vrai qu'on importe de plus en plus de produits et puis qu'au niveau de l'Union européenne, bon, on ne sait plus trop qui fait quoi. Alors, il y a un article quand même qui est intéressant de Que choisir. Des aménagements qui retardent. Qui retarde qui ? Les secours d'urgence. Il y a un mois, nous évoquions, dit Que choisir, les délais d'intervention des pompiers, parfois préoccupants et qui, globalement, s'allongeaient. Or, les aménagements de voiries, entrepris par de nombreuses villes pour une meilleure circulation des vélos ou trottinettes, pourraient encore dégrader la situation. C'est du moins ce que pense Denise Kogan, bénévole d'une association locale, UFC Que choisir, habitant à Chaville, Haute-Seine, depuis 1975, le long de la RD 910, ex-RN10. Sur cette route royale, qui part du pont de Sèvres à Paris et mène jusqu'au château de Versailles, Yvelines, un projet envisage de réduire le nombre de voies et pour aménager de part et d'autre de la chaussée deux pistes cyclables. Résultat, lorsqu'ils stopperont pour prendre des passagers, les bus bloqueront la voie. Il faudra aussi compter avec les camions qui s'arrêteront n'importe comment pour livrer. Cet axe étant souvent embouteillé, les véhicules coincés derrière ne pourront pas dépasser. Police, pompiers ou encore SAMU seront logés à la même enseigne, ce qui les retardera dans leur intervention. Ces projets urbains défient la réalité. Peste s'est administrée et se dit atterrée par les réponses données lors des réunions publiques préalables au projet. On m'assure, c'est de la géométrie, madame. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. En principe, la réglementation impose des largeurs minimales de voies pour faciliter le passage des secours. En théorie, persifle Denis Kogan, cette charge illustre une nouvelle fois la difficulté qu'il y a à concilier le développement des nouvelles mobilités, bonnes pour l'environnement, avec d'autres contraintes et impératifs encore bien ancrés. Ben voilà, hein, je crois que cet article porte de l'eau à mon moulin parce que ça m'est arrivé dans mes chroniques de parler justement des aménagements urbains. Des aménagements urbains qui sont souvent délirants, hein, qui défient toute logique, qui sont faits par des cabinets d'architectes dont on ignore quelquefois l'existence, hein, enfin de qui ils sont exactement. Hein, on le voit en particulier sur Remiremont, c'est-à-dire que c'est gêner au maximum le trafic automobile sans pour autant apporter véritablement de confort aux cyclistes et aux piétons. Hein, parce qu'on oublie aussi que si on développe des pistes cyclables intégrées dans le milieu urbain, eh ben, c'est quelquefois aussi au détriment des piétons. Et puis, bien sûr, des automobilistes, mais aussi des secours d'urgence. Hein, on le voit de plus en plus dans des agglomérations où aujourd'hui, on retrouve à la fois des chaussées qui ont été rétrécies, des cassis, des feux, des stops, etc., etc., qui bloquent la circulation, provoquent des embouteillages, hein, et des carrefours qui sont masqués par des arbustes, par exemple, etc., où véritablement, là, on a imaginé de contraindre la circulation automobile sans pour autant apporter quelque chose pour l'environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que s'il y a des embouteillages, que si des véhicules roulent au ralenti, ben, ils polluent bien encore davantage que si la circulation était fluide. Donc, OK pour les pistes cyclables, mais ne peut-on pas imaginer quand même des pistes cyclables qui soient un peu en marge de la circulation? C'est peut-être pas possible du côté de Versailles, mais c'est possible ici. Hein, parce que quand on voit les pistes cyclables qui ont été aménagées, il y a bien des années en arrière, par exemple sur la commune de Saint-Étienne, on peut déplorer que celles-ci ne soient pratiquement pas utilisées parce que particulièrement dangereuses pour les cyclistes. Hein, et par contre, ce qui s'imposerait peut-être en agglomération, c'est effectivement de faire des zones 30 le plus possible, hein, et puis de faire des contrôles de vitesse, parce que c'est vrai aussi que la circulation automobile, ça devient quelque chose de préoccupant pour la sécurité, en particulier des cyclistes et des piétons. Alors, aménagement, oui, mais aménagement peut-être hors circulation, chaque fois que cela est possible, bien entendu, même si c'est un coût. Et puis aussi prévoir quand même que la circulation puisse être fluidifiée, prévoir des transports en commun, prévoir bien évidemment au-delà des transports en commun des services de navette et puis du covoiturage, parce que aussi la circulation automobile doit être limitée en agglomération, ça devient quelque chose de particulièrement préoccupant. Voilà, on va peut-être s'accorder une deuxième pause musicale, si tu veux bien. Enfin, un petit coucou à Christopher dans ce début d'année, hein, le remerciant bien sûr d'assurer la technique de mes émissions. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily.

Une fois l'argent débité, on n'obtient plus de réponse. Le remboursement devient bien sûr impossible. Le signalement auprès de Facebook demeure sans suite. Le mastodonte créé par Mark Zuckerberg, qui vit grâce à ses revenus publicitaires, 55 milliards de dollars en 2018, aurait-il intérêt à laisser faire? Bien qu'il mette en avant les plus de 30 000 personnes qu'il emploie pour assurer la sécurité, il peine visiblement à faire le ménage. Les faux comptes, profils inventés de toutes pièces et usurpations d'identité ont également envahi la plateforme. Le but, voler de l'argent aux abonnés par différents stratagèmes. Rémi Ouzel, brigadier chef au commissariat Perpignan, donne l'exemple d'une page Facebook usurpant la raison sociale d'un garage. Les escrocs y publient les annonces de vente de voitures à prix très bas et demandent à être contactés par Messenger, la messagerie privée du géant américain. Une fois leur victime amadouée, ils exigent qu'elle leur verse un acompte par virement. Ces truands opérant depuis le Bénin s'évaporent ensuite avec leur butin. Un autre gendarme, gentil Jean Dib, sur les réseaux sociaux, témoigne. Depuis le début de l'année 2019, j'ai enregistré 24 plaintes concernant des escroqueries sur Facebook, pour un total de 18 500 euros. La plupart sont du domaine sentimental. Un arnaqueur crée le compte d'une femme avec une photo attractive. Il engage la conversation via Messenger avec un homme célibataire au profil sans 100 degrés de confidentialité. Petit à petit, il lui fait croire au grand amour et finit par lui expliquer ses problèmes financiers. L'homme abusé lui envoie plusieurs fois de l'argent via des tickets PCS, recharge pour carte prépayée, achetée dans un tabac. Ce type d'arnaque peut durer des semaines pour des montants accumulés rarement en dessous de 500 euros avant que l'être aimé ne s'envole. Or, 99% des plaintes n'aboutissent pas car les criminels agissent depuis des pays, à 95% en Afrique, avec lesquels la France n'a pas de coopération financière. On commence les investigations et très vite, on ne peut plus rien faire. Quant à Facebook, il ne fournit que l'adresse IP du compte et tardivement, c'est ce que déplore Gentil Chandy. La police piétine, bien entendu, la liste de ses duperies est longue. Jeux, concours pour faire appeler un numéro surtaxé, offre de Samsung S9 à 1 euro qui marque du phishing, vol de coordonnées bancaires, emploi facile à forte rémunération. Facebook dit avoir désactivé 5,4 milliards de faux comptes entre janvier et septembre 2019. Pourtant, il foisonne encore. Il y a vraiment un problème de transparence avec ce réseau. Aucun audit d'une entité tierce indépendante n'est effectué, souligne Rena Stamboliska, membre du club des experts de la sécurité, de l'informatique et du numérique, responsable adjoint de la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise Oudrive. Du côté de la police, la chasse aux filous s'embourbe. Les services de lutte contre la cybercriminalité du ministère de l'Intérieur ainsi que ceux de la préfecture de police de Paris n'ont pas souhaité s'exprimer. Un silence qui en dit long. C'est ce que relève que choisir. Alors les conseils. Vérifier les offres alléchantes en contactant la société ou l'organisme officiel soi-disant émetteur. N'acceptez pas d'invitation de personnes, pages que vous ne connaissez pas. Et ne leur fournissiez jamais de données personnelles. Portez plainte si vous avez été piégé et faites opposition sur votre carte bancaire au besoin. Voilà, c'est vrai que l'univers informatique, l'univers numérique, contient ce type de piège, de surprise qui est facilité donc par le réseau de Facebook. En sachant aussi que ça existait déjà avant, mais c'était de la vente par correspondance. Et il ne faudrait surtout pas souscrire à une vente par correspondance si on ne connaissait pas la provenance. Sinon, bien sûr, les sites qui étaient connus et puis répertoriés. On a vu des boîtes postales situées à Nice qui n'avaient qu'une boîte postale. En France, et qui en réalité agissait depuis l'Inde ou le Bangladesh ou l'Afrique pour vendre des produits qui n'ont jamais été livrés. Ça a toujours existé, mais maintenant ça se développe, l'arnaque, à la mode Facebook. Alors ne mettez n'y participez pas, ça vaut beaucoup mieux pour vous. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Je vais faire un résumé un petit peu des articles de que choisir pour que vous pourrez trouver dans votre mensuel, hein, qui est déjà paru dans les kiosques fin décembre d'ailleurs. La réparabilité de nos appareils, le nouveau défi des fabricants. Ça pourrait vous arriver. L'isolation en euros, là j'ai commenté l'article. Par contre, en ce qui concerne la réparabilité des appareils, c'est quand même un dossier qui est assez long. Et donc, je vous renvoie donc à que choisir du mois de janvier pour analyser un petit peu la réparabilité des appareils que vous êtes prêt à acheter pour vous faire aussi vous informer également sur les possibilités qui existent de réparer ces appareils. Il y a un article aussi sur la peste porcine, grosse fièvre au rayon jambon. J'ai parlé des réseaux sociaux, arnaque à la mode Facebook. Je crois qu'il y a avoir suffisamment commenté l'article de Que Choisir, mais vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur le site de Que Choisir, ou mieux encore, bien sûr, dans le mensuel de l'Union fédérale des consommateurs. Alors, solde et promotion, tous les ans, attention aux fausses bonnes affaires. On est dans la période des soldes, je crois que là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, les tests du mois, il s'agit d'imprimantes multifonctions, de lave-linge, de piles jetables et rechargeables. On voit que les rechargeables, c'est quand même beaucoup mieux, pas seulement pour l'environnement, c'est aussi pour le budget. Les offres Linky, Big Brother se débarque chez vous, ça on le savait malheureusement, chez moi aussi, on va installer du Linky. Assurance, celle qui assure en cas de sinistre. Remboursement, la loi du compte. La SFAM, il s'agit de la SFAM. L'alcool, et si on faisait une pause. Ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je crois que notre magazine Santé en a parlé. Je crois que là, il faudrait peut-être, après les fêtes, si on a un peu abusé de la chopine, comme on dit, il faudrait peut-être être beaucoup plus sage. Voilà. La loi alimentation, une inflation politisée. Que dire encore par rapport à ce dossier consommateur, que l'on va se quitter sur ces informations et puis se donner rendez-vous, bien sûr, mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.